à l'hécatombe. Mes lyrics se plombent, t'étonnes pas que DMC tombe. Tombe dans la dérision, je bosse pour mes conditions. L'écoute de mon son provoque la fibrillation. Traîne dans le quartier, marqué pour des putains aux jambes écartées. Je suis toujours prêt, feu, partez. Ben alcoolisé au rhum, poumon Winston, je baisse Winnie Houston à l'arrière d'une merco chrome. Gros magnon, lors de mes ébats, compassion pour mes favelas, confusion. Car le fauve est là, je démarque le débat pour les frères du Katéama. Ça pas cru, plus rien à foutre des retenues. Violence contenue chez les enfants de la rue. Servant de la rue, c'est de notre vie qu'on abuse, de notre vie qu'on s'assume, de notre vie qu'on s'amuse. Lancé, l'assaut contre les faux, je pèse mes mots, j'ai le sang chaud. Pensez. Les yeux dans les yeux, sensé. Pas trappe de mytho, mais rime au kilo. Corsé. Comprends ceux qui, comme moi, ont l'esprit de chien d'eux. Alors j'avance, peu importe le sens. Respecte les distances, l'ennemi distant. Fuis par ma démence, pas de contresens. Censure, je laisse du sang sur l'essence de mes chaussures. Sur d'un acteur obscur, pisse sur les cendres des victimes que je démembre. Mon instinct sauvage reste actif de janvier à décembre. Demandez, je fais sans, moi je prends. Je veux pas de conditions, me parle pas de sentiments. Plastique, drastique, électrique. Une vie pathétique, pas partout. Je vois des flics, passe comme un film. Les jours se défilent, j'observe le monde avec passion comme un cinéphile. Inspiré de l'entourage, mes textes balancent des images, des mirages. J'ai de carambolage, dégage des indécis. C'est qu'est averti, le sourire de bandit cache une agonie. Lancé, l'assaut contre les faux, je pèse mes mots, j'ai le sang chaud. Pensé. Dans les yeux, sensé. Pas trappe de mytho, mais rime au kilo. Corsé. Comprends ceux qui, comme moi, ont l'esprit de chien de lancé. L'assaut contre les faux, je pèse mes mots, j'ai le sang chaud. Pensé. Hargneux, ça serait les yeux dans les yeux, sensé.